Dans Sagesse, la mer est plus belle. La mer est plus belle que les cathédrales, nourrice fidèle, berceuse de râles, la mer sur qui prie la Vierge Marie. Elle a tous les dons, terribles et doux. J'entends ses pardons, gronder ses courroux. Cette immensité n'a rien d'entêté. Oh, si patiente, même quand méchante, un souffle ami hante la vague et nous chante. Vous sans espérance, mourrez sans souffrance. Et puis, sous les cieux qui s'irient plus clairs, elle a des airs bleus, roses, gris et verts, plus belle que tous, meilleure que nous.